avons un podcast! Bonjour et bienvenue à Pas de problème, la balado-diffusion, hein, où quatre experts en rien s'improvisent experts en tout pour vous offrir le plus de solutions possibles à un problème donné et une bonne dose de jeux de mots douteux, gracieuseté de Mathieu Calembourion. Et d'ailleurs, je m'appelle Frédéric Barouchi, je suis en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric! Salut Martin, et hey, bonne année! Bonne année Frédéric, la santé, la succès, l'argent, les projets, l'amour, la santé, la paix. Ouais. Et Simon Rousseau! Salut Frédéric, dis-moi, quelle est ta résolution cette année? Hey, dormir plus. C'est comme ton cadeau de Noël. Ouais, le Père Noël n'est pas passé. Et toi, c'est quoi ta résolution? Ça serait donc dans le même ordre d'idée de plus pogner de contraventions parce que j'ai laissé traîner mon recyclage. Donc, ne plus laisser traîner ton recyclage, mon petit cochon. Oui, mais parce on parle de quelques heures. T'as perdu... Non. Parce que j'ai pas contesté finalement. Ah, ça c'est la meilleure. Et Mathieu Bouillon. Janvier, février, mars, avril et mai, juin, juillet, août, septembre. Sur les mois de l'année. Mais t'as connu cette chanson-là? Non. C'est une comptine d'écologie, ça? Ouais. Non, t'en reviens pas. Hey, tu vas être fâché après moi. Continue donc cette consigne. On est au podcast 196. Oui, oh, à quelques podcasts gros. Avant la 200e. Ça va décaper, hein? It will decap. Et on a un problème cette semaine épineux. S'il en est un. Ouais. Il nous vient d'Alexandre Mackenzie Fauché, un grand générateur de problèmes. Ouais, quand même. Hein? Mais c'est lui qui nous avait. C'est grâce à lui qu'on connaît le voileau maintenant. C'est vrai, le voili-voileau. Donc, il va comme suit. Je sais qu'en général, vous réglez des problèmes précis, mais là, j'ai un dilemme éthique à vous proposer. De nouveaux voisins viennent juste d'emménager dans mon bloc appartement et ils ont un chien. Personnellement, j'ai rien contre les chiens. Je les aime bien en général, même si je trouve que d'avoir un chien dans un appartement en ville, c'est un peu poche pour le chien. J'aurais aussi pu écrire « ces chiens pour le chien » afin de faire rire Mathieu. Sauf que ce chien-là aboie à des heures où j'aimerais bien dormir et m'empêche de le faire. En plus, ça sent fort l'odeur de chien quand je rentre chez moi. Je sais que tout ça fait partie de la vie en communauté urbaine et que je suis prêt à composer avec ça. Là où j'ai un dilemme éthique, c'est que les règlements de mon immeuble sont très clairs sur l'interdiction d'avoir un chien. Je pourrais donc stouler mes voisins et être débarrassé d'un problème avec lequel j'aurais très bien pu vivre. N'eût été de la possibilité d'être un sale rapporteur et par le fait même, créer un gros problème à ses voisins et à leur chien. Pas de problème, décidez à ma place, s'il vous plaît. Moi, j'ai posé la question et si on trouve des solutions pour appliquer la règle sans que tu sois le bourreau, est-ce que ça te va? Puis il a écrit « Oui ». Donc, tout de suite appeler. Oui. Toi, pour dénoncer. Non, les voisins, on peut pas dénoncer. Je règle le problème live. Boum. Mais chose qui n'a jamais encore été. Dénoncer, c'est le régime de la peur. Là. Mais ce problème-là... La majorité des gouvernements qui ont appliqué ça, là, c'est parmi les pires de l'histoire. Là. Non, mais attends... Toi, tu irais avec le régime, la loi de la prison, là? Absolument pas la dénonciation. En tout cas, très, très peu d'exemples de cas de dénonciation qui peuvent être positifs. Là. Admettons quelqu'un qui a une bombe chez eux. Le voisin dit « Hey, police, mon voisin a une bombe chez lui. » Il y a probablement des cas de force majeure, mais le problème qu'on rentre dans un principe de dénonciation... Pornographie juvénile. C'est que souvent, on va se mettre à utiliser la dénonciation pour faire chier des gens avec qui on a des problèmes, même si techniquement, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Ouais. Non, mais attends, on parle de dénonciation. Peut-être que, par exemple, solution possible, sa dénonciation, c'est... passer trop de temps avec le chien quand il croise dans le corridor. Je sais pas si c'est un immeuble, mais peu importe. Tu sais, pour que le propriétaire le remarque. Comme, oui, ben oui. Oh, le beau chien, le beau chien. le propriétaire qui fait oui, il est beau, mon chien. Oui, tu t'as fait ça là, hier aussi. Là, ça fait 15 minutes que t'es là. Non, mais ça arrange pour que quand le propriétaire rentre dans l'immeuble pour venir chercher les loyers, toi, t'arrives avec un gros os de chien à donner en cadeau à tes voisins d'en bas. Oui, c'est ça. Dénoncer par en dessous, là. Oui. C'est ça. C'est, mais. Ça passe pour une bad luck. Ton voisin t'en veut c'est moins ça. Un peu. Exact. C'est pour ça qu'on est là, Simon. Oui, ou mettre avec des petites traces de peinture, là, des fausses petites pattes de chien. des petites pattes de peinture dans le bloc. Et là, il n'y aura pas juste de faire « Hey, shit, c'est qui l'animal qui a... » Attends, mission impossible. Salopé mon plancher. Tu laisses marcher le chien dans de la terre de glaise. Oui. Tu prends son empreinte exacte. Oui, oui, c'est ça que je proposais. Tu la reproduis avec... tu sais, en utilisant le procédé de négatif-positif, oui. Là. Et après ça, avec des patates que tu sculptes toi-même. Avec non, des patates. Non. Ou tout simplement verser un pot de peinture sur le chien pendant qu'il est dans le corridor du bloc appartement. Ouais, mais ça, ouais, tu vas te faire pogner, là. Oui, mais le chien aussi. Ouais. Le chien va avoir des petites traces dans la peinture, va faire... Hey, je m'excuse, j'ai échappé mon galon de peinture, ça arrive à tout le monde. Vous n'allez pas me reprocher ça. Mais lui... Il y avait un chien, mais il n'y a pas le droit. Ouais. Tu sais, le best, ça serait que le voisin vienne à lui-même se départir du chien, tu sais. Donc, mais... si tu matchais ton voisin avec une fille très, très, très allergique et contrôlante. Super! Ah, oui. Non, contrôlante, non, c'est, allergique. C'est une bonne piste de réflexion, là. Mais ça, c'est particulièrement cruel. Ouais. Tu t'arranges pour que ton voisin se mette à haïr son chien et qu'il s'en débarrasse lui-même. Ah oui? Ouais. En achetant, par exemple, un sifflet ultrason. Oh! Et il existe des sifflets ultrason particulièrement puissants qui peuvent avoir jusqu'à 3 km de distance. Alors, si tu te mets à siffler abondamment, tu vas créer un état de détresse chez le chien qui va japper tellement que le maître va peut-être avoir le goût de s'en débarrasser. Ou si tu lui donnes des petits trucs à manger là, en cachette de qui fait chier mou. Oui, et même à part... C'est pas la nourriture de chien en général? Ouais, non, je sais pas. Et... Mais si tu l'observes, par exemple, ouais, okay. Et que tu regardes les spots où il va sniffer, licher, ouais. Épicer, tu pourrais badigeonner les de arbres et les bornes de fontaine de hot sauce. Oh. Ouais, de retour et en là, le chien va comme freaker. Mais là, ça va te prendre pas n'importe quel hot sauce. Là. Tu peux pas badigeonner des arbres avec de la tabasco. Il faut que tu trouves, et ça se vend sur Internet, je pense que c'est 9,99, de hottest fucking hot sauce. Il y a pas genre anal bleeder, acid fire, acid artomate. The hottest fucking hot sauce. Tu vas sur hotsaucetasting.com. Elle a obtenu la fameuse note de 10. C'est quoi l'échelle? Le scopage? C'est de 1 à 10, là, moi, là, sur ce site-là, en tout cas. Puis elle a 10 plus. Mais d'où ça vient, Simon, cette culture-là de la hot sauce? J'ai commencé à m'intéresser à la hot sauce il y a quelques semaines lors d'un voyage en Louisiane. Ah, d'accord. L'échelle de Scoville. Hein? L'échelle de Scoville, je voulais juste vous dire ça comme ça. Pour vous donner une idée, le paprika est 100 à 500 sur l'échelle de Scoville. C'est doux. Je vais juste chercher le jalapeno qui est à 2500 à 8000. Mais t'as-tu la hottest fucking hot sauce? Et il y a le capsaïcine. La capsaïcine, oui. Oui, c'est ça, qui est entre 15 millions et 16 millions c'est quoi, c'est la d'unités Scoville. Ben, pour moi, on doit s'approcher là, de la hottest fucking hot sauce. Il doit en avoir dans la hottest fucking hot sauce. Tu dois mourir. Ses intestins là, au chien se liquifient. Oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment intense. Et lui, son réflexe, ça va être de boire de l'eau et ça va rien changer. Oui, c'est vrai. Oui. C'est très, très vrai. J'ai pas l'idée de rendre le chien complètement débile, mais tant qu'à ça, l'empoisonner. Ouais, pour qu'ils deviennent répugnants. C'est un très bon épisode de Seinfeld. Lui donner la gare. Comme l'ancien président de l'Ukraine. Oui. Oui, oui, oui, oui. Mais moi, j'ai deux solutions possibles. Soit emprunter un plus gros chien, genre un Danois là, énorme, oui. Puis essayer d'habiter avec pendant 2 semaines pour que toi, tu te fasses pogner. Puis là, tu fais « Hey, je m'excuse tout le monde, là, mais il faut appliquer la règle. » Plus de chien, puis là tu fais. Ah non, mais tu dis, ah non, attends, excuse-moi, j'étais sûr qu'on pouvait avoir un chien. Lui, il y en a un, donc moi je me suis dit, je peux avoir un chien. Ah, ouais, parce que là, tu peux avoir un très petit chien, puis faire la même chose. Et ou avoir une relation malsaine avec le chien de ton voisin. Oui, grousser le chien de ton voisin. Pour que. Salut, toi. Salut, tu le ferais passer pour un zoophile pour qu'il se débarrasse de son chien. Ouais. Par préservation contre toi. Peut-être t'as pas plus peur, justement, qu'il te dénonce. Non, mais tu vas le voir. Mon voisin, c'est un zoophile. Non, c'est drôle. Tu vas le voir. Hey, ton chien, vois-tu quelqu'un? J'en sais. Y a-t-il une chienne dans sa vie? Ben... Ça sous-entend que pour être crédible, faut que tu le zignes un peu puis que tu essaies de le frencher. Ouais. Hey, moi, j'ai une autre bonne idée. Ça risque d'amener la solution que son voisin va déménager. Ça pourrait arriver. Moi, j'ai une idée que j'aime beaucoup, c'est propager la rumeur d'une personne du bloc qui a été mangée par son chien. Genre, t'as-tu Madame Bilodeau et son chien ont pété une fuse, il a mangé à la face. Elle est morte dans son lit. Aucun chien n'est à l'abri de ça. Il va se mettre à avoir peur du chien. Ouais. Il a peur de son propre chien. Ouais. Mm. Genre, il me semble qu'il te liche la face. Tu pourrais aussi laisser traîner beaucoup, beaucoup de vidange sur ton balcon, ce qui va attirer les ratons laveurs qui sont souvent porteurs de la rage. Ouais, j'aime ça. Ils pourraient mordre le chien et le rendre capote. Mais y a-tu. Est-ce qu'on peut. Y a un remède contre la rage? Non. Oui. Non, c'est calmer les nerfs. J'ai deux réponses. Louis Pasteur. C'est le premier livre des meilleurs exemples de quelque chose. C'est celui que t'avais confiance gratuit. En soi. Oui, tu l'avais gratuit. Là. Un bon exemple de pas la rage. De pas la rage. Mais c'est confiance en soi. Sauf que, tu sais, toi-même, tu te donnes la rage d'une façon X. OK. Tu vas mordre le chien, puis après, tu vas te faire vacciner. Oui. Ouais, c'est au moins le raton laveur, lui, il mord le chien à ta place. Tu sais, moi, la job, pas le fun. Mais la job, c'est de pogner la rage. Je m'excuse. Je m'évite de mordre un chien. Si vous trustez des ratons laveurs, c'est votre problème. Mais moi, j'ai confié 4 missions à des ratons laveurs différents. Il n'y en a jamais qui ont réussi. Qu'est-ce que tu leur avais demandé? Bon, premièrement, checker mes enfants pendant que je dors. Ouais, mais non, mais ça, c'est sûr. Tu vas pas dans ses forces. Il a mordu mon plus jeune. Il me faudrait plus de temps pour trouver des blagues, non? Ouais, mais t'as pas choisi les bons ratons parce que les amis ratons, ils étaient très fiables. Les raccoons. Oui, puis leur affaire changeait de couleur. Moi, je les aime. Crayons, je sais pas la toune Oulette de Dogs Out. Mon voisin. Si à chaque fois que tu t'arranges pour la faire jouer souvent et tu fais comme si tu réponds machinalement, en tout cas, pas le voisin en bas parce qu'il est tout le temps dans la maison puis il pue puis il jappe. Pis ça, faut que tu le répètes 4 fois. Ouais, tu l'as dit. Oulette de dog. En tout cas, pas. En même temps, on veut éliminer le chien, mais si on éliminait les désagréments que le chien... il sent pas bon et il jappe. Oui, contrer les effets. Oui, fait que si on compte les effets, on peut sauver le chien, puis tout le monde est content. Ouais. Beaucoup Banjo de Febreze. Banjo est dans la salle depuis... il est resté ici à Noël. Alors, t'as une solution pour nous? L'inspirer à quitter. L'inspirer c'est ça. À quitter. Lui donner le goût de l'aventure. L'aventure. Puis, des fois, justement, comme Pavlov, tu fais juste siffler la toune du vagabond, puis là, le chien fait. Je vais m'en aller. Il fait écouter Benji. Mais il y avait quoi quand même à contrer les effets où là, c'est. Il pue. Il pue et il jappe. Il jappe. Ben oui. Oui. C'est tellement beau la toune du vagabond, ouais. Bon, bravo. Après la bière, le vagabond qui s'appelait London. Mais oui, moi j'adore l'idée de couper le problème avec les désagréments du chien. On parle peut-être juste d'un shampoing. C'est peut-être quelque chose qui s'arrange facilement. Oui, mais t'échappes une bouteille de shampoing pour chien sur son chien. Puis tu dis, je suis désolé, ça va partir avec de l'eau. Le chien va fondre. Ou tu t'en mets dans tes mitaines. Puis quand tu le croises, tu dis, c'est qui le beau chien? Oui, ça, c'est un beau chien. Puis là, tu le frottes vigoureusement. Une bonne canne de Febreze. Là, tu le... Peut-être mettre le chien enceinte. T'sais, si c'est une femme chien, là. Ben, je veux pas dire par toi-même, mais tu sais, avec du sperme de chien, parce que fusil à sperme, Dieu sait qu'il se calme, là, les petites mères, là, après, là, après là, c'est fini, puer. Là, tu peux avoir la portée, puis là, t'as peut-être 8 plus chiens à gérer. Là, ils passent ça dans toutes les meubles. Ah, t'as raison. Non, mais contre les effets, il y a toujours les écouteurs, là, qui... Anti-bruit. Anti-bruit. Hein? Mais ça, c'est cruel. Hein? Le fameux décharge électrique à chaque fois qu'il jappe. Là. Ouais, dans le cou, là. Ouais, ça marche, par exemple. Ouais, c'est tough, par exemple. Ah, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu l'enlèves. Tu le laisses pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Bien, tu l'enlèves, puis une fois qu'il a pris. Mais le pire, c'est aussi l'opération des cordes vocales. Ça, c'est triste en tabarnak. Puis là, tu vois le chien qui fait... Le chien, quand il s'adresse à toi, il a l'air d'une vieille fumeuse qui t'engueule. Non, c'est pas bon. Attends, il y a... je sais pas comment ça fonctionne. Les règlements de son immeuble... C'est Marge, excuse. Non, c'est Patty. C'est Patty, c'est le mort. Excuse, Fred. Vas-y. Ça va. Mais on parle des règlements de l'immeuble qui stipulent qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de chien. Mm-hmm. Mais peut-être essayer d'ajouter un règlement dans les... Tu sais, c'est un peu l'affaire qui se passe au Canada avoir par rapport au Sénat. Si on... Non, mais je veux dire, si on revoit le Sénat, faut tout revoir la Constitution. Et là, après ça, il va y avoir... Non, mais... Beaucoup d'affaires à changer. Ben, c'est ça, tu sais, de faire... Hey, moi, je voulais juste rajouter des règlements. Tu sais, les bottes, là, on les enlève en rentrant. Pis oui, là, parce que je suis tanné de piler dans le poil de chien. Oui. Ouais. Puis là, on regarde les règlements. Hey, t'as même pas le droit d'avoir de chien. Ah oui, c'est drôle, ça. C'est bon. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Peut-être mettre une burqa au chien. Barca. C'est pas ton chien. Ouais. À Ville-Saint-Laurent, ça te prend un permis de chat et de chien annuel que t'es obligé de... Ah, mais là, il serait plus baisé parce que si le gars est en moyen de se payer ce permis-là, ben là, Alex, c'est fait, là. Il va sentir l'odeur de chien, puis il n'y aura pas de recours. C'est sûr. Ah, mais tu proposais pas ça comme une solution? Non. Oh, okay. C'est comme plus un fait. Ça prend des permis. À chaque année, là, il passe, là. Puis si tu n'as pas payé ton permis, tu payes une grosse amende. Presque pire que le recyclage qui traîne une heure de trop sur la rue. Ça, le Dieu sait que les contrevenants empoisonnent notre D'ailleurs, ville. Il y a un gars sur ma rue, il y a une couple de mois. Je sais pas trop c'est qui, mais il a mis son bac de recyclage. Tantôt, je parlais d'avoir un plus gros chien, mais tant qu'à ça, tu sais, pour vraiment identifier le problème, t'as un bison dans ton salon ou je sais pas, quelque chose d'exagéré. Ouais, juste un quelque bouton. Chose qui pourrait être dangereux pour l'autre chien. Un dragon de Komodo. Non, mais. Ouais, mais genre un serpent à sonnette. Et là c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans le building qui fait hey, lui, il exagère avec son dragon ou son bison. Et là, tu fais ah, excuse-moi, je pensais qu'on avait le droit d'avoir des animaux. Je pensais qu'on tolérait les animaux. Ouais, finalement. Je vais aller promener mon serpent à sonnette. En même temps, j'irai peut-être promener ton chien aussi. Oui. S'attendre. Ça donne bien. En même temps, moi, je vis dans un appart où il y a des animaux dans le tapis. Là. Mon voisin d'en haut a des chiens et tout. Oh. Puis ça sent rien. Fait qu'il y a peut-être un problème avec cet appart-là. Là, pour que ça sente le chien jusque chez vous, ça doit pas être isolé bien fort. Ben, selon là. Moi, ça sent dans le couloir. Un petit peu de monomousse, un peu de l'air qui passe. Moi, je stoulerais peut-être ça. Je stoulerais le propriétaire. Là. Je pense que la bâtisse a peut-être besoin d'avoir des rénaux, là. Mais ça doit sentir dans le corridor plus que dans son appart à lui. Mais pour que ça sente dans le corridor, il faut que le chien passe ça après du temps dans le corridor. Il faut qu'il zigne tout. Encore là, il faut qu'il y ait un chien, si tu y touches pas, si tu ne colles pas le nez dessus, ça sent pas. Là. Je veux dire, si ici dans la place, il y avait un chien, on ferait pas, ça sent le chien. Il faut qu'il soit mouillé ou soit que tu sais, normalement, si tu flattes un peu puis tu te sens la main puis ça pue le chien, là. Peut-être qu'il va y lancer la balle dans un champ de crotte. Ouais, ça. Si le chien a la fâcheuse habitude de se tenir dans un champ de crotte. Il y a des endroits que je connais. Oui, mais Montréal, je connais des places où ils mettent ça sur le gazon là, pour l'enrichir. Ben, les parcs à chiens, pour moi, c'est des champs de crotte. Là. Oui. Ça doit être beau et mélodieux, le chant d'une crotte. Oui, hein. Salut! C'est une crotte! Non, c'était une grosse crotte. OK. Ouais. Moi, j'ai déjà une solution préférée, je pense. C'est quoi, Fred? Ben, c'est la solution à Simon, le siffler à chien. Ouais. Rendre le chien fou. Ouais. C'est classique. C'est une très bonne solution. Ne le sont-ils pas tous fous? Ouais. Je suis un chien fou. Ou si ton voisin s'en va, tu t'offres pour le garder, le chien, puis là, tu y inculques des trucs justement avec le sifflet. Ouais. À chaque fois que tu siffles, il chie partout. Des cours de chien, le dressage. Ouais. Tu le dresses là, vraiment pour faire quelque chose d'écœurant. J'ai une bonne idée. Tu le dresses par les parois, je sais pas, mettons, tu sais que le chien est dans ton salon, puis il habite au-dessus de toi. Mon chien. t'essayes de le dresser la nuit en lui parlant au travers du plafond. Hey, mon chien. Assis, mon chien. Assis, mon chien. Oui, oui. J'aime pas. Demain, je vais te donner une croquette. Ouais. Oublie pas, là, tu t'es assis. Un peu comme le laser en cachette, là. Ouais. Le dresser en cachette. Ouais. Mais sinon, ma vraie solution préférée, c'est la solution de Fred, d'y aller dans l'excès. Tu te mets justement là un hippopotame dans ton salon. Puis quand il se met à chier, il fait « Hey, ça n'a pas de bon sens, hippopotame. » « Ah non, c'est-tu vrai? C'est-tu écrit des règlements qu'on n'a pas le droit d'hippopotame? »« Ah oh, non, ben... mais c'est écrit qu'on n'a pas le droit de chien, par exemple. »« Fait que je garde mon hippopotame. »« Mais ton chien, là, ça s'appelle dehors. »« Ouais. Mais c'est quoi ces appartements-là où on n'a pas le droit d'animaux, là, il me semble? C'est... Ah, c'est très commun. Hein? »« Pour vrai? Ouais, ouais, quand même. » Ouais. Mmh, ça s'appelle chez nous. Moi, j'en veux pas. Non, non, pas mais il n'y a pas le droit d'avoir d'animaux. Oui, non, ils ont le droit. En copropriété. Ouais. Normalement, quand tu es propriétaire, ouais. tu as le droit d'avoir. Ouais. Ouais. C'est le moment des blocs appartements, c'est parce que les animaux, ça peut scraper tes planchers, ça peut scraper. C'est normal, propriétaire, comme propriétaire d'un bloc. Propriétaire, tu veux pas que tu aies des animaux. C'est qui comme viennent. Fumeur, non-fumeur aussi. Je sais pas. Ouais. Pas. Mathieu Ben moi, je prêche pour ma paroisse. C'est matcher ton voisin avec une femme allergique. D'ailleurs, je pense qu'il y en a plein sur Réseau Contact Tchoum. Wow. Réseau Contact Tchoum, tu peux en trouver plein. Calembourion. Yay. Contact. Ou tu y vas même encore plus crosseusement en y présentant quelqu'un que tu connais qui fait semblant d'être allergique et qui sort avec pendant 2 mois le temps qu'il se débarrasse du chien pour le laisser par la suite. Lui briser le cœur. Lui briser le cœur, mais entre-temps, il s'est débarrassé du chien. Hey là, Alexandre, ça fait 2 mois que je suis avec. Ouais. Je suis plus capable de coucher avec. Je suis plus capable de coucher avec, puis il tient encore au chien. T'as fait un autre mois, tu vas l'avoir, Katia. Il l'a mis dans un sas. Nous, on reçoit un problème écrit. J'ai un problème. Ma blonde est allergique. Non. Ça prend quelqu'un qui t'en doit une. Là, tu sais que t'as sauvé de la mer. Ouais, c'est ça. De la noyade un moment donné. Là. Vous n'avez des solutions? Envoyez-nous ça via... Gmail, hein? Pas de problème, @gmail.com. Sinon, sur Facebook, Twitter, lâchez-vous lousse. Hey, on est même sur Google Plus. Oui, le chat de Palace. Oh mon Dieu, oui. MIRC, Channel, pas de problème. Les jokes classiques. Toutes les plateformes, sauf pas Catherine Perrin. Elle, c'est notre nouvelle némésis. Hein? Oui. Hey, d'ailleurs, sur iTunes... Tu sais, on était à 94 l'autre fois, là, ça a peut-être changé. Mais je suis allé voir iTunes, j'ai changé mon compte à France et Suisse. Oui. On a des commentaires. Oh! Oui! 5 ou rien de Kikrine. Drôle et sérieux parfois, mais surtout imaginatif. Kikrine. Je regrette de ne pas avoir de problème, car j'adore toutes vos solutions à mourir de rire. Ah. Et il y a aussi... Attends une minute... 5 ou rien de Gamer Extrême. Salut, j'adore votre podcast. J'en peux plus de rire à chaque fois. Un podcast qui devrait être sponsorisé par la santé publique et les Avengers pour son soutien énorme pour que le monde soit meilleur. Merci. Oui, Superbe de Blue Liner 28. Merveilleux podcast rempli d'humour et aussi parfois de bon sens. J'adore. Voilà, continuez à nous écrire. Alors, remets-nous Québécois, là, parce que d'un coup, qu'ils nous mettent pas 5 étoiles ou rien, eux autres. Là. Parce, là, tu dis qu'on vient de France, dans le fond? Non. France moi, et Suisse. Quand ils vont nous écrire via iTunes, des commentaires, on les voit pas. Faut changer son compte. Ben là, c'est cool. Et peut-être qu'on a des commentaires bulgares, mais là, je ferais pas de tour. Aucun commentaire de Belgique? J'ai checké Belgique, mais j'étais comme pas capable d'y aller. Je sais pas pourquoi, mais... C'est pas un vrai pays, c'est pour ça. Mais bref... Ouais. Hey, garde, Catherine Perrin, tu penses qu'on a des commentaires de la Belgique? Belle. Garde. Juste parce que j'ai pas de barbe, je suis Catherine Perrin. Je te jure, là, la première photo qu'elle a prise pour son émission, j'étais sûr qu'elle éternuait pendant la prise de photo. Mais bref, c'était notre dernière devant public peut-être un bon bout, je sais pas combien de temps. Merci de vous être déplacé. On va revenir. On va faire des spéciales. On va tourner dans les catacombes du donjon. Ouais. Oui. Mais peut-être qu'on va faire ça biannuel Notre but est de recréer un effet de rareté pour que les vrais podophiles soient au rendez-vous. Les moments où on va sortir, on sait que vous qui soyez qui cela dit. sont là aujourd'hui avec nous. Vous êtes. Oui. Véronique Langelier, son frère, sont bienvenus à nous, oui, tous nos enregistrements. Vraiment. Banjo, tu nous appelles aussi avant. Et notre ami qui vient des États-Unis, tu viens quand tu veux. Oui. Et Le personnel des passages, notamment le bar mannequin, ouais, qui est toujours là. On le salue, on va venir le revoir. Même le bar mannequin. Merci beaucoup, les passages, de nous avoir accueillis comme ça. J'imagine qu'on va revenir. Et puis, achetez-vous un T-shirt, hein? Oui. Un T-shirt sur le site de Mr. Dress Up. Et aussi sinon sur le site de l'Instable, l'instable.com. Et ouais, puis l'onglet, pas de problème. Ouais, faites-nous un don. Hein? Mm. Puis dimanche, si vous écoutez ça, le 10 décembre, comme c'est supposé être. Oui. Si vous l'écoutez. Janvier, quand ça sort, eh bien, le 12 janvier, c'est le retour. Mais en fait, c'est le retour hier, le 9 janvier. Mais le retour de la LIM, Ligue d'improvisation. Dans laquelle nous jouons tous. D'ailleurs, vous êtes les trois dans les verts. Oui, les trois représentants de l'équipe des verts. Si vous voulez voir les boys des verts, ils sont ici. Des vertes et des pommes. Moi, je suis des oranges. Fait que checkez ça. Orange, toi, pour être là. Baboum! OK, alors là-dessus, tu connais-tu le mot de la fin maintenant? Je connais pas le mot de... Oui, non, je porte une vue. Mais merci de m'avoir invité, les gars. En tout cas, c'est bien plaisant. C'est bien plaisant. Merci d'avoir été avec nous. Tu reviendras, si ça te tente. Bien sûr. Et puis, le mot de la fin, c'est « Nous avons un problème, nous avons un podcast. » Alors, vous avez un problème et nous avons un podcast. Bonne année! Yeah! Merci à vous tous et vous pouvez maintenant parler fort.